Chapitre 4e. Le Kamtchatka, presqu'île d'origine volcanique, traversée par de hautes montagnes, située à l'extrémité nord-est de l'Asie, est entourée à l'est par la mer du Kamtchatka et une partie de la mer de Bering, et à l'ouest par la mer d'Okhotsk. Sa côte orientale est entourée d'une double rangée de volcans en activité. À peu près vers son centre, la péninsule est traversée par une troisième chaîne parallèle qui se compose en grande partie de volcans éteints. La situation favorable du Kamtchatka entre les possessions russes de l'Asie y a provoqué la création d'un grand nombre d'établissements, parmi lesquels il faut citer celui de Petropolovski, principal entrepôt de la société de commerce russo-américaine. Petropolovski peut être considéré comme le chef-lieu du Kamtchatka. On y compte de 3 à 4 000 habitants. La population totale de la presqu'île ne s'élève pas plus de 20 000 âmes. Vers le milieu du XVIIIe siècle, on l'évaluait à près de 100 000. Ce sont les Cosaques qui firent la conquête du pays et le rendirent ensuite tributaire de la Russie, ce qui amena de sanglantes luttes entre les conquérants et les indigènes, fort attachés à leur indépendance. Ce sont de ces races dont on peut dire qu'on les soumet par le sabre, qu'on les baptise dans le sang et qui n'ont gagné à changer de maître que des maladies et des vices qui leur étaient complètement inconnus. Quoique soumis en apparence à la nouvelle religion qu'on leur a imposée, la plupart des Kamtchatkadals penchent pour le vieux chamanisme primordial de l'Asie centrale. La chasse et la pêche constituent leurs principales occupations. En hiver, ils se renferment dans des espèces de huttes souterraines de forme conique, ouvertes par le haut, où habitent d'ordinaire 5 ou 6 familles. Ils se vêtent de peau de renne, se nourrissent de gibier salé, de graisse de chien marin, de pain d'écorce d'arbres, entretenant constamment de grands feux, s'égayant par des danses et ne se souciant guère de la neige qui couvre souvent la hutte jusqu'au tuyau de la cheminée. Leurs habitations d'été sont soutenues en l'air par des perches et l'on n'y parvient qu'en grimpant. Les femmes seules s'occupent des soins du ménage et des travaux de culture qui ont pour objet la pomme de terre, les choux et les raves. Leur été, très court mais brûlant, permet à l'orge et même aux concombres de mûrir. Ils n'ont point d'animaux domestiques, sinon quelques porcs et quelques poules qu'on a cherché à introduire chez eux depuis 1820. Mais le chien qu'ils attellent en hiver à leur traîneau est toujours à leurs yeux l'animal par excellence. Le port de Petropolovski, œuvre de la nature, est une chose vraiment belle et magnifique à voir. Il n'a peut-être pas son pareil dans l'univers entier. On y pourrait abriter, dit-on, toutes les flottes réunies des puissances du monde. Quoiqu'il ne compte guère que 3 ou 4 000 habitants, on y trouve d'infinies ressources pour le confort de la vie. Des vins exquis, des conserves de toute espèce, des poissons à faire damner nos gourmets, des étoffes de tout genre, des toiles faites avec les filaments d'une certaine espèce particulière d'ortie, des bœufs comme on n'en voit peut-être qu'en Angleterre, des poulets comme on n'en mange nulle part, une superbe végétation, un hiver peut-être un peu long, mais pendant lequel le thermomètre ne descend jamais plus bas que 15 degrés. Toutes les productions de Chine, d'Amérique, d'Angleterre, de France se trouvent à Petropolovski dans les 2 immenses magasins que le gouvernement y entretient et qui forment une des principales décorations du port de la ville. Dans ce pays singulier, ce n'est pas la moindre singularité que d'y voir, pendant l'hiver, le traînage et les transports faits par des attelages de chiens dressés de longues mains à cet exercice. Ils en ont si bien pris l'allure que des chevaux mêmes auraient de la peine à égaler la rapidité de leur course. L'été, ces animaux, d'un aspect assez hérissé et au nombre de 5 ou 6 000, sont enchaînés non loin de la ville, au bord d'un ruisseau aux 100 bras qui serpente au penchant d'une colline. Là, chacun se creuse un abri dans la terre. 2 fois par jour, on leur apporte à manger du poisson séché au soleil. Ils n'ont point d'autre nourriture pendant tout l'hiver. On n'a point d'idée de la voracité avec laquelle ils se jettent sur cette proie, dont la vue et l'odeur n'ont cependant rien de bien engageant. Rien de plus curieux, et en même temps de si original, que l'aspect de ce courant d'eau, bordé d'une multitude de chiens demi-sauvages, qui tous se mettent à hurler dès qu'ils aperçoivent d'autres personnes que leurs gardiens. Les premiers hurlent parce qu'ils vous voient, les seconds parce qu'ils vous sentent, et le reste parce que leur compagnon aboie. C'est, sur toute la colline, un tapage à ne pas s'entendre et à faire entrer sous terre les trois gueules de Cerbère. Grâce aux abondantes ressources en vin, gibier aquatique, volaille, viande fraîche et poisson dont j'ai parlé tout à l'heure, nous menons ici une vie de cocagne. Depuis notre arrivée, nous ne sommes qu'en festin, et les dames Kamtchadal se sont piquées d'honneur pour nous donner une bonne opinion de leur talent culinaire et surtout de leur aptitude à faire de très bonnes pâtisseries, dont quelques-unes ne seraient pas indignes de figurer sur les tables de marbre d'un Félix ou d'un Quillet. C'est dans ces circonstances que j'ai eu pour la première fois l'occasion de manger des pâtes d'ours, rareté gastronomique fort prisée des gourmets du pays et même de la plupart de mes compagnons de voyage. J'avoue, pour mon compte, que je n'y ai vu qu'un mets fort peu ragoûtant. Probablement, je manquais des grâces nécessaires pour lui rendre plus de justice. Après un séjour fort court, car il ne dura que 3 journées seulement, nous repartîmes de Petropolovski pour rentrer dans ce triste océan Pacifique qui nous devait ramener à Okhotsk. Là, nous avons retrouvé les albatros, les baleines, se jouant à l'entour de notre navire. Les morses ou vaches marines, jetant leur triste beuglement à travers le calme du soir, les poissons se traînant à fleur d'eau, les veaux marins, chargés de mousse, se laissant aller au gré des vagues et venant bestialement se jeter au-devant des balles de nos chasseurs, les loutres de mer, défiant les harpons menaçants, les coups de canon tirés à tout propos et hors de propos, tantôt pour une fête, tantôt pour un toast, tantôt à l'occasion d'une rencontre, les officiers du bord relevant les positions du matin et du soir, puis, en manière de distraction, quelques bourrasques venant à l'improviste nous faire danser à la pointe des flots, brisant nos verres et nos meubles, et mettant tout à l'envers dans nos cabines. Le soleil, presque toujours estompé de brume, se mirant tristement dans une eau plombée, la lune, éclatante, faisant jouer ses feux follets au sommet des vagues, des nuits noires, qui font d'autant plus briller les lueurs phosphorescentes de cet immense océan, les étoiles de mer, scintillant au milieu de l'onde comme des astres ravis au firmament. Puis encore, le phénomène des nuages lumineux qui arrivent comme des bombes, enveloppent le bâtiment et disparaissent avec une telle rapidité que le souvenir en reste à peine. Les éternelles manœuvres, ramenant sans cesse les mêmes mots toujours inintelligibles pour moi. La sévère discipline d'un bâtiment de guerre, entravant toute liberté de mouvement. Une maussade promenade sur le pont, où après 32 pas faits en longueur, il me fallait revenir sur les mêmes traces pour le retour, ayant d'un côté les chaloupes immobiles sur leurs chevalets, et de l'autre l'océan invariablement coupé par cette ligne inflexible de l'horizon. De loin en loin un navire, le salut d'un canon, un mot échangé au passage. Voilà de quelle vie j'ai vécu pendant les 50 jours que nous avons tenu la mer pour aller de Petropolovski aux embouchures de l'amour. Pendant 3 jours, à la hauteur du cap Élisabeth et à la hauteur de l'île Sagalienne, nous avons cherché le Baïkal, navire de la couronne, qui devait communiquer pour affaires avec le général. Durant une de ces 3 journées, où le soleil voulait bien se montrer radieux, on célébra avec force champagne et coups de canon l'anniversaire du couronnement de l'empereur. Nous sommes descendus à terre, où nous nous sommes trouvés en face de vrais sauvages, gens fort doux d'ailleurs, et qui n'ont nullement eu l'air de nous vouloir manger. Nous avons fait avec eux quelques échanges. Ils préféraient à l'argent des boutons d'uniforme, un peu de tabac, des verroteries, des guenilles de rebut. Ils nous ont largement pourvus de poissons frais et nous ont laissé prendre quelques babioles. J'ai eu, pour ma part, un étui fort curieux. Du reste, dans tout ce petit monde qui vit là la grâce de Dieu, nous n'avons pu découvrir un seul spécimen du sexe féminin. Ces dames, effarouchées par notre venue, avaient complètement disparu. Mais en jugeant par les maris, la plus belle moitié du genre humain devait être fort sale et fort laide, et probablement nous n'y avons pas beaucoup perdu. Enfin, après avoir lutté quelques jours contre les vents contraires, nous sommes arrivés vers le 10 octobre en vue d'Ayan, nouveau port découvert sur la côte, près des bouches de l'amour, par la compagnie américaine. Mais hélas, si près de terre, les vents du sud-est n'ont pas voulu nous permettre d'entrer au port. Il a fallu mettre une chaloupe à la mer, et nous sommes partis laissant le pauvre Irtych, c'est le nom du navire, et son bon capitaine, qui pendant les 4 heures qu'il nous a fallu pour regagner la plage, nous a salués d'une interminable canonnade égayé par toutes les fusées et les feux de Bengale que possédait son bâtiment. Nous ne sommes restés que 4 jours à Ayan. Avant de quitter cette ville pour retourner à Okhotsk, nous allâmes tous à la suite du général faire nos adieux au pauvre Irtych et dire bonjour au Baïkal qui étaient parvenus tous deux à prendre leur mouillage dans le port. Je n'ai pas besoin de dire que la plus chaude réception nous y a été faite, tant de la part des états-majors que des équipages. De là, nous nous sommes rendus à la rive où nous attendaient nos chevaux tout harnachés et nous nous sommes établis sur nos hautes selles. À ce moment solennel, la forteresse a tonné de toute son artillerie, les vaisseaux ont lancé toutes leurs bordées et les matelots ont grande tenue leur dernier hurrah du haut des bergs et des haubans. Enfin, après une dernière poignée de main à nos hôtes de la mer et de la terre et un bon coup de nagaïka, le fouet du cavalier cosaque, bien appliqué sur la croupe de nos montures, nous rentrons dans le chaos d'une affreuse route. Le premier jour fut beau, mais le deuxième au réveil, quel triste spectacle! La neige menaçante avait déjà couvert de son linceul blanc les sommets des montagnes qui bordaient notre horizon, et nous avions devant nous la perspective d'avoir à gravir à pied l'une des plus hautes. Mais qu'importe, en avant, ce fut le cri général. Nous marchons à grands pas, malgré les bourrasques de neige et de grêle qui nous fouettaient le visage. Nous arrivons à notre montagne et nous mettons pied à terre. Nous nous engageons sur la pente glissante. On enfonce dans la neige jusqu'aux genoux. On roule, on se raccroche comme on peut. Encore si l'on n'avait qu'à s'occuper de soi, mais il faut tirer par la bride les chevaux qui refusent d'avancer. Enfin, après bien des peines, des risques et même quelques périls, nous arrivâmes en haut où nous attendait le plus terrible des autans que le nord eût porté jusque dans ses flancs. Le cri en avant résonne plus énergique que jamais. Nous trouvons non loin de là une yourte. On s'y réchauffe. La faim se fait sentir, mais pas de provisions. Les chevaux qui les portaient étaient égarés. Ce contre-temps ne nous arrête pas, et l'on continue de marcher tant et si bien que le soir, harassés, affamés, gelés, nous avions fait nos 60 verstes, plus de 15 lieues, et nous arrivions dans un coin habité par des espèces de sauvages qui ont mis à notre disposition quelques vivres encore plus sauvages qu'eux et qui ont été reçus par nos estomacs démoralisés comme manne au désert. Le lendemain, nouvelle fatigue, nouveaux efforts à travers des marais semés de racines, d'arbres morts, entassés depuis des siècles peut-être les uns sur les autres. Cachés sous la neige, ils nous offrant à chaque pas des chausse-trappes et des pièges où l'on risquait de se casser le cou ou d'être englouti. Malheureusement pour moi, je m'étais détaché de la bande, espérant du hasard une meilleure route. C'était tombé de Caribe dans Silla. J'avais beau me jeter à droite et à gauche, partout les mêmes obstacles et les mêmes dangers se reproduisaient. Mon cheval, guidé par de plus sûrs instincts que moi, voulait en vain choisir son chemin. Je forçais la pauvre bête à tout franchir, au risque de nous tuer tous deux. Il ne me restait que diverses affaires pour atteindre la Maya, petite rivière à peine navigable qui se jette dans l'Aldan, l'un des principaux affluents de la Léna. C'était la fin de nos plus rudes travaux, car nous devions trouver sur le bord de la Maya des bateaux qui nous ramèneraient à Yakoutsk. Au lieu de tant compter sur mon étoile, j'aurais dû compter sur mon cheval et me laisser conduire par lui, loin de m'entêter à le conduire. Ces réflexions un peu tardives commençaient à se faire jour dans mon esprit lorsqu'un employé du général passa près de moi. « Je vais à la station, me dit-il, chercher des porteurs pour madame qui ne veut plus aller à cheval, et le général ne se soucie pas de coucher sur la neige. Je vous suis, lui dis-je. Très bien, mais je vous prie que je ne m'arrête pas pour vous attendre, quelque obstacle qui se présente. Convenu, marchez. » Voilà mon homme qui s'envole devant moi au grand trot de sa monture. Je le suis à travers le marais de plus en plus impraticable. J'espère qu'il ralentira son allure. Nullement, toujours même train, nos chevaux tombent, se roulent, font 1000 sauts et 1000 bonds, tantôt à droite, tantôt à gauche, pour éviter de s'enterrer dans la boue ou se soustraire à la grêle de coups qui pleuvent sur leur corps. Rien n'arrête mon compagnon, rien ne m'arrête. Une montagne succède au marais, une descente rapide, encombrée de roches, vient après la montagne. Nos montures éreintées se refusent à la rapidité de notre course. On leur rend du courage à grands coups de nagaïka. Mon compagnon court toujours, je le suis fidèlement. La nuit vient, les passages dangereux se multiplient sous nos pas, nos chevaux épuisés butent à chaque pierre, à chaque racine. Mon terrible guide garde son trot d'enfer. Je demande un instant de grâce, L'obscurité m'empêchait de distinguer ma route. « Impossible !» m'a-t-il répondu de loin. « Service du général !» Et je le vois s'évanouir dans l'ombre. « C'est bien » criai-je, « à la garde de Dieu !» Je me raffermis dans mes étriers, je passe deux fois ma bride autour de ma main, je pousse un cri sauvage, je talonne les flancs de mon misérable coursier, je laisse tomber de ma cravache sur son dos une grêle de coups. Tout cela fait, je me laisse emporter où il plaira à Dieu de me conduire et à mon cheval de me mener. Cependant, un peu de pitié avait fini par pénétrer au cœur de l'inflexible messager, pitié pour moi ou pour les chevaux, je n'en sais rien encore, car l'état de ces pauvres animaux pouvait donner à penser qu'il faudrait bientôt les abandonner sur la route. Il ralentit le pas, je m'en aperçois, et donnant une dernière bourrade à ma monture, je passe devant et me jette en désespéré, à travers tout ce qu'il plairait au hasard et au diable, de mettre sur mon passage. C'est ainsi que la nuit j'ai fait diverses en une heure, chose impossible si j'y avais vu clair. Grâce au ciel, nous arrivions au but tout entier. À de pareilles épreuves, quelle organisation féminine de notre Occident se jouerait impunément? La constitution de fer d'Atkinson lui-même n'y a pas résisté. Il est mort jeune encore des suites des fatigues endurées dans ses longs voyages. Mais il est mort au milieu des siens, sous le ciel de sa patrie, après avoir condensé le résultat de ses travaux dans deux volumes qui resteront parmi les plus beaux qui soient sortis des presses anglaises. Mademoiselle Christiani ne devait pas avoir le même bonheur. Dès son retour de la province d'Yakoutsk, sa correspondance nous la montre moins énergique que par le passé. « Cet éternel linceul de neige qui m'environne, écrit-elle, finit par me donner le frisson au cœur. Je viens de parcourir plus de 3000 verstes de plaine d'une seule haleine, rien, rien que la neige. La neige tombée, la neige qui tombe, la neige à tomber. Des steppes sans limite, où l'on se perd, où l'on s'enterre. Mon âme a fini par se laisser envelopper dans ce drap de mort, et il me semble qu'elle repose glacée devant mon corps, qui la regarde sans avoir la force de la réchauffer. Je crains au contraire que ce ne soit l'âme ensevelie qui attire bientôt la bête, comme dit Xavier de Maistre. » Ce pressentiment ne devait pas tarder à se réaliser. Elle revit l'Europe orientale et des climats plus doux, mais sans retrouver ses forces et son insouciante ardeur. Le 3 septembre 1853, étant à Bladikafat, petite ville fortifiée du Caucase, elle écrivait à ses amis « Parti à la fin de décembre 1848 et revenu à Kazan au commencement de janvier 1850, mon voyage a duré 1 an et 25 jours environ. J'ai parcouru plus de 18 000 verstes de route, un peu plus de 5 000 lieues de France. J'ai visité 15 villes de la Sibérie, dont les principales sont Ekaterinenbourg, Tobolsk, Omsk, Tomsk, Irkoutsk, Kiachta, sur la frontière chinoise, Yakoutsk, Okhotsk, Petropolovski et Ayan, aux bouches de l'Amour, ville toute nouvellement fondée. J'ai traversé plus de 400 cours d'eau petits, moyens et grands, dont les plus considérables sont l'Oural, l'Irtych, le Yenisei, la Léna, l'Aldan, l'Amour, à son embouchure. J'ai fait tout ce chemin en brichka, en traîneau, en charrette, en litière, tantôt traîné par des chevaux, tantôt par des rennes, tantôt par des chiens, quelquefois à pied et plus souvent à cheval, surtout dans le trajet d'Yakoutsk à Okhotsk. J'ai aussi navigué pendant plusieurs centaines de lieues sur des fleuves qui avaient 600 ou 700 lieues de cours et pendant plus de 50 jours sur l'océan Pacifique. J'ai reçu l'hospitalité parmi les Kalmouks, les Kirghizes, les Cosaques, les Ostiaques, les Chinois, les Tungus, les Yakouts, les Mouriates, les Kamtchadals, les Sauvages du Chagalien, etc., etc. Je me suis fait entendre dans des lieux où jamais artiste n'était encore parvenu. J'ai donné en tout environ 40 concerts publics, sans compter les soirées particulières et les occasions que j'ai pu trouver de faire de la musique pour mon propre plaisir. Tel est le bilan de ma téméraire entreprise. « Pierre qui roule n'amasse pas de mousse », dit un vieux proverbe. J'ai vérifié par moi-même l'exactitude de ce dicton. J'ai la mort dans l'âme. Je suis heureuse comme un galet en pleine tempête. Mes douleurs croissent, mes forces diminuent. Que devenir donc? J'ai tout essayé, même de ce damné pays où chaque buisson cache une embuscade. Mais je n'ai pas de chance, et au lieu de la balle que j'y cherchais, je n'attrapais que des bonbons enlevés à Chamille dans une escarmouche. N'est-ce pas du guignon? Elle arriva vers la fin de septembre à Novotcherkassk, chef-lieu de la province des Cosaques du Don, où sévissait alors le choléra. Dans la disposition où se trouvaient son corps et son esprit, c'était une victime dévouée d'avance au fléau. Elle y succomba en quelques heures, le 24 octobre 1853. Les habitants de Novotcherkassk ont élevé par souscription un tombeau en fonte de fer à la jeune Française. Ainsi s'achève Voyage dans la Sibérie orientale de Lise Christiani.